C'était un chien qui venait battre les autres dans les villages, tous les soirs. Et alors, il tirait dessus des coups de fusil, et il ne pouvait pas arriver à le voir. Alors, il y en a quelqu'un qui a dit, faut faire venir du plan. Ils ont fait venir du plan, ils ont tué le chien, et quand ils ont été pour ramasser le chien, c'était une belle jeune fille. Oh. Et elle était de Niort. Elle était de Niort. Oui.